Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire Aimé Césaire, grand chantre de la culture noire. Vous avez lancé le mouvement de la négritude. Que faut-il entendre par négritude? Oui, je sais que le mot n'est pas très bon. Mais on n'a pas trouvé d'autre. En tout cas, il dit bien ce qu'il veut dire. C'est un mouvement littéraire et qui s'est donné pour but d'exprimer les problèmes de l'homme noir sur la base d'une prise de conscience par celui-ci de sa propre et de sa véritable condition. Aimé Césaire à la télévision suisse en 1963, c'est avec la publication du Cahier d'un retour au pays natal qu'Aimé Césaire introduit le concept de négritude dont on entendait parler à l'instant. Avec son Cahier d'un retour au pays natal, qui est vite devenu un classique de la littérature mondiale, Aimé Césaire est devenu, lui, l'une des voix les plus fortes de la culture et de l'identité noire au 20e siècle. J'ai dit une fois devant le général de Gaulle que notre histoire commençait dans la cale des bateaux négriers. Il paraît qu'il y a des Martiniquais et très assimilés qui ont été tout à fait vexés, tout à fait offusqués. Mais c'est ça le fait premier. Et il ne faut pas en avoir honte. C'est ça la vérité. Si quelqu'un doit en avoir honte, ce seront ceux qui ont fait la traite et non pas ceux qui ont subi la traite. Bon, comment peut-on comprendre la société martiniquaise si on ne tient pas compte qu'il s'agit d'une société coloniale et raciste? Comment peut-on comprendre la langue martiniquaise, la vraie langue martiniquaise, le créole, si on ne tient pas compte du fait que c'est une langue qui a été formée et avec des mots français ou des débris de mots français, mais qui a été restituée par Dégosier selon les règles implacables de la phonétique africaine et agglutinée entre eux selon les règles de la syntaxe africaine. Ça me paraît évident, autrement dit, si on ne veut pas rester à la surface des choses, eh bien, on est obligé d'en revenir à ce fait premier, à savoir que nous sommes mélangés, certes, mais que nous sommes des Africains, la diaspora. Aimé Césaire, en entrevue à la télé française en 1990, pour nous parler du parcours, de la pensée, de l'œuvre d'Aimé Césaire, je reçois Jean-Pierre Leglonec, qui est professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, où il enseigne, entre autres, l'histoire des Amériques noires. Jean-Pierre Leglonec, bonjour. Bonjour. Et qu'est-ce qu'elle représente, Jean-Pierre Leglonec, cette figure d'Aimé Césaire dans la culture noire? Bien, c'est une figure centrale. Je crois que c'est l'un des premiers dans les années 1900. À partir des années 1930-40, on vient d'entendre Aimé Césaire à penser la condition noire et à penser finalement la façon dont cette condition a été construite à partir de débris. On vient d'entendre ce mot. Comment est-ce que la diaspora noire s'est constituée autour d'une destruction fondamentale qui est celle de la traite négrière, du déplacement forcé finalement de plusieurs millions de personnes d'Afrique vers les Antilles et vers les Amériques en général? C'est quoi? C'est le retour aux sources, aux origines qu'il propose? Je pense que c'est un retour aux sources, en effet, qui est très brutal dans les années 1930, à partir du moment où Aimé Césaire quitte sa Martinique natale pour Paris. Finalement, il est confronté au déracinement, il est confronté au fait que les hommes et femmes d'origine afro-descendante n'ont pas le choix, finalement, de s'agglutiner de manière artificielle, je reprends ici son mot, afin de retrouver, finalement, une essence ou une forme de culture qui a été perdue, détruite par la condition esclavagiste. Ouais. Il y a donc ça, puis on va y revenir, cette philosophie, cette pensée qu'amène Césaire, qui est une petite révolution à ce moment-là. Et puis il y a l'auteur, énorme qu'il est aussi. Quelle place il occupe dans l'histoire de la littérature et des littératures au 20e siècle? Mais je pense que c'est une place absolument fondamentale avec d'autres, Frantz Fanon par exemple, Léopold Sédar Senghor, Léon Gontran Damas. Il est un des porte-voix, un des porte-paroles, et j'insiste beaucoup sur cette expression parce qu'au fond, Césaire, le poète, l'homme politique, le dramaturge, l'essayiste, cherche à être un porte-parole, un porte-voix pour ceux qui n'ont pas de voix. Parlons un petit peu de ses origines, parce que tout part de là, vous l'avez un peu évoqué, mais il naît en Martinique en 1913, à Basse-Pointe. À quoi ressemble, avant qu'il n'arrive à Paris, parce qu'il arrivera à Paris quelques années plus tard, mais à quoi ressemble la jeunesse d'Aimé Césaire en Martinique? Ben, j'insisterai sur deux choses. D'abord, il naît en 1913, comme vous l'avez rappelé. 1913, c'est 65 ans seulement après l'abolition de l'esclavage. Donc, l'abolition de l'esclavage est très proche, mais enfin, est très, très récente, je veux dire, dans l'histoire de la Martinique et des Antilles. La deuxième chose sur laquelle j'insisterai, c'est que Aimé Césaire naît dans une famille non pas pauvre, c'est une famille plutôt de la petite bourgeoisie martiniquaise. Sa mère est mère au foyer. Aimé Césaire a 6 frères et sœurs. Elle est couturière et son père est un gérant d'habitation dans un premier temps. Il réussit ensuite un concours de fonctionnaires et il devient inspecteur des impôts. Donc il grandit dans un milieu relativement privilégié, entre guillemets, par rapport à la majorité des Martiniquais, Martiniquaises, descendants d'esclaves. Je pense que Aimé Césaire, c'est un peu le produit de la République, d'une certaine manière. Son grand-père était directeur d'école. Il y a une certaine tradition républicaine dans la famille césarienne et cette tradition-là, Aimé Césaire l'honore. Alors qu'il fait ses études à Fort-de-France, au collège lycée Schœlcher, où il brille. Ses résultats sont absolument brillants en philosophie, en littérature, en latin grec, ce qui l'amène finalement à passer son baccalauréat avec grand succès et à obtenir la bourse qui lui permet de quitter la Martinique, de traverser l'océan Atlantique et d'aller à Paris pour ses études supérieures. Et ce qui était, à vous entendre en tout cas avec cette tradition, c'est la France antillaise qu'il connaît dès son enfance avec ses valeurs, ses traditions républicaines. Donc ce chemin vers Paris était un peu naturel pour lui. Il débarque à Paris en 1931. À quoi ça ressemble cette période parisienne dans la vie d'Aimé Césaire? Ben c'est la période fondamentale. Au fond, j'insisterai là sur vraiment deux choses. Il arrive au lycée Louis-le-Grand, qui est l'un des grands lycées du quartier latin. Il entre en Hippocagne, qui est donc la première année des classes préparatoires menant au concours de l'école normale supérieure. L'école normale supérieure de la rue d'Ulm, c'est la consécration républicaine, c'est là où se forme l'élite. Donc Aimé Césaire arrive en Hippocagne au lycée Louis-le-Grand et il rencontre presque instantanément, enfin j'exagère un petit peu, le grand poète Léopold Sédar Senghor, premier président de la République du Sénégal en 1960. Et à partir avec la rencontre de Senghor, finalement, Césaire découvre une intelligentsia d'origine afro-descendante, martiniquaise, guadeloupéenne, guyanaise, réunionnaise. Il rencontre également des auteurs, des intellectuels anglo-saxons, noirs anglo-saxons. Donc Aimé Césaire fait la découverte, finalement, de la diaspora noire. Donc c'est une période à la fois très stimulante sur le plan intellectuel pour Aimé Césaire, mais c'est une période particulièrement déstabilisante, parce qu'Aimé Césaire, finalement, découvre bien plus que la République, en préparant les concours de l'école normale supérieure, qu'il réussit brillamment d'ailleurs, hein. Il découvre finalement la diaspora, il découvre à la fois la culture et le déracinement. C'est un mouvement très dialectique, je dirais, qu'Aimé Césaire découvre à Paris dans les années 1930, marqué par une sorte d'effervescence culturelle dans la communauté afro-descendante. Ouais. Et puis, il y a aussi une action. Donc, oui, ces rencontres, oui, cette découverte de cette diaspora antillaise, africaine, mais un militantisme. Il va participer à un journal, le journal L'Étudiant Noir, en fait, en 1934-1935, devient président de l'Association des étudiants martiniquais. Donc, déjà, il s'engage aussi dans l'action, on peut dire ça. Oui, Aimé Césaire, c'est un poète, un romancier, un dramaturge, c'est un homme de lettres, mais c'est aussi un homme politique, et vous faites bien de rappeler en effet qu'il est cofondateur, il participe à la fondation avec d'autres étudiants du journal L'Étudiant Noir, qui est un des nombreux journaux, hein, il faut le rappeler quand même, écrit et rédigé à destination de la communauté afro-descendante parisienne. L'Étudiant Noir, c'est fondamental de rappeler que c'est dans le troisième numéro de ce journal qu'il prononce pour la première fois le mot négritude, mot qui lui est associé, mot combat, mot bataille finalement, afin de former une langue qui serait spécifique à la diaspora noire, que cette diaspora se trouve d'un côté ou de l'autre de l'océan Atlantique. Et cette langue, évidemment, c'est celle qu'on va retrouver dans son fameux cahier d'un retour au pays natal. C'est à l'école normale supérieure que Césaire commence à écrire son cahier d'un retour au pays natal. Ça va devenir un classique de la littérature, une œuvre phare pour la communauté noire. Ô lumière amicale, ô fraîche source de la lumière, ceux qui n'ont inventé ni la poudre ni la boussole, ceux qui n'ont jamais su dompter la vapeur ni l'électricité, ceux qui n'ont exploré ni les mers ni le ciel, mais ceux sans qui la terre ne serait pas la terre, Gibbosité d'autant plus bienfaisante que la terre déserte davantage la terre, si l'eau où se préserve et mûrit, ce que la terre a de plus terre. Ma négritude n'est pas une pierre. Sa surdité ruée contre la clameur du jour. Ma négritude n'est pas une tête d'eau morte sur l'œil mort de la terre. Ma négriture n'est ni une tour, ni une cathédrale. Elle plonge dans la chair rouge du sol. Elle plonge dans la chair ardente du ciel. Elle troue l'accablement opaque de sa droite patience. Eia, pour le Caïl Cédra royal. Eia, pour ceux qui n'ont jamais rien inventé, pour ceux qui n'ont jamais rien exploré, pour ceux qui n'ont jamais rien dompté. Mais ils s'abandonnent, saisis à l'essence de toute chose, ignorant des surfaces, mais saisis par le mouvement de toute chose, insoucieux de dompter, mais jouant le jeu du monde, véritablement les fils aînés du monde, poreux à tous les souffles du monde, air fraternel de tous les souffles du monde, lit sondrin de toutes les eaux du monde, étincelle du feu sacré du monde, chair de la chair du monde, palpitant du mouvement même du monde. Le comédien Guy Godin, lisant un extrait de Cahier d'un retour au pays natal à l'émission Les Orphées Noirs en 1961. Ce Cahier d'un retour au pays natal qui est publié pour la première fois dans les pages de la revue Volonté, c'est vraiment le grand chef-d'œuvre d'Aimé Césaire, Jean-Pierre Leglonec. Que dire de cette œuvre-là, de l'importance qu'elle aura? Mais en effet, c'est l'une de ses œuvres fondamentales. Je dirais que le cahier d'un retour au pays natal est une sorte de... Enfin, ça symbolise dans le parcours d'Aimé Césaire une incroyable violence. Parce qu'au fond, Aimé Césaire intègre le concours, intègre l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, il intègre finalement l'institution par excellence de la culture française métropolitaine. Et une fois qu'il a intégré l'ENS, eh bien, il choisit de plier la langue du maître. J'insiste beaucoup sur ce mot, il plie la langue, il la déforme, plutôt que de se conformer à un langage poétique traditionnel, français, métropolitain, hexagonal, il choisit de marronner, hein, au sens de fuir, la fuite d'esclaves, hein, c'est ce qu'on entend par marronnage, il choisit de marronner, de créer une esthétique du marronnage et de décrire ce long poème d'une quarantaine de pages à peu près, le cahier d'un retour au pays natal, qui est une réflexion sur la condition noire, une façon de repenser, de penser l'identité noire, l'identité antillaise, l'identité martiniquaise. Le cahier d'un retour au pays natal, c'est une œuvre d'une incroyable complexité. Il y en a de très nombreuses versions. La première, vous l'avez dit, elle est publiée dans le numéro 20 de la revue Volonté. Il y en a une deuxième version en 1942 dans la revue Tropique, une troisième version en 1947, une quatrième dite définitive en 1956, mais il y en a une autre en 60, en 76, etc. Donc c'est une œuvre incroyablement complexe, en vers libre et en prose, qui est alors très influencée par le surréalisme dans sa deuxième et troisième version, beaucoup moins influencée par le surréalisme à la toute fin, au fur et à mesure finalement, que Aimé Césaire cherche une voix, il cherche une langue qui soit le moins hermétique possible. Dans le cahier du retour au pays natal, la question que pose Césaire à peu près au milieu du cahier est la suivante: qui et quel nous sommes ? Admirable question. Qui et quel nous sommes ? Il cherche finalement à comprendre l'homme et la femme noire. Oui. Et donc, c'est dans ce cahier qu'il va développer ce concept de négritude. De quoi on parle? À quoi tient ce concept-là, Jean-Pierre Leglonec? Comment définir cette idée de négritude que développe Césaire? Entre autres, il y en a d'autres qui développeront cette idée. Oui, c'est une idée alors, qui est développée par Césaire le premier, mais Senghor joue un rôle fondamental afin de penser la négritude. Léon Gontran Damas, l'ami de le poète guyanais, ami de Césaire, joue également un rôle important afin de penser finalement ce qu'on entend par négritude. J'ai envie de citer Césaire finalement qui définit la négritude dans les années 1970. Césaire dit la chose suivante, la négritude pour lui est la simple reconnaissance du fait d'être noir et l'acceptation de ce fait, de notre destin de noir, de notre histoire et de notre culture. Donc je crois que par négritude, il faut entendre en effet, comme le dit Césaire, une tentative de reconnaissance, reconnaître au sens, au double sens, reconnaître, accepter et reconnaître, connaître de nouveau. Césaire entend finalement se faire le porte-parole des peuples afrodescendants afin de reconnaître ce qu'il a perdu avec l'esclavage et la condition esclavagiste. Et ça va, ce concept-là, être au cœur de, bon, évidemment, de ce livre dont on a parlé, Le cahier d'un retour au pays natal, de ce recueil de poésie, mais de plein d'autres ouvrages qu'il va publier. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que la négritude est fondamentale pour comprendre l'œuvre césarienne, mais d'une certaine manière, je dirais aussi que Césaire va plus loin que la négritude. Dans son discours sur le colonialisme, publié en 1950, il va plus loin que la négritude aussi, quelques années plus tard, lorsqu'il se fait essayiste. Je pense en particulier à la publication en 1960 et en 62 d'un essai fondamental dans l'œuvre césarienne, essai intitulé « Toussaint l'ouverture, la révolution française et le problème colonial ». Aimé Césaire quitte un peu la poésie afin de comprendre, de penser finalement le rôle fondamental que joue Toussaint l'ouverture et la révolution haïtienne dans la réalisation des idéaux de la République et de la révolution française. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que en pensant Haïti dans l'histoire de la France et de la révolution française, on pourrait dire que Aimé Césaire poursuit sa réflexion finalement sur la condition noire, sur ce qui fonde la négritude. Mais je dirais que d'une certaine manière, Aimé Césaire, que l'on associe généralement à la négritude, va plus loin que cela. Il pense le colonialisme, il pense le décolonialisme, il pense le post-colonialisme avec sa pièce de théâtre sur l'histoire du roi Christophe en Haïti en 1963. Je pense que c'est important à la fois de comprendre la place de la négritude dans l'œuvre césarienne et d'aller au-delà finalement de ce concept que l'on associe à lui de manière juste, mais peut-être parfois avec un petit peu de... Enfin, on a tendance à ne pas voir suffisamment comment Césaire est allé au-delà de la négritude. Oui. Vous parliez de cette pièce, La tragédie du roi Christophe. Un petit mot quand même, parce qu'il va écrire pas mal pour le théâtre aussi. C'est une forme d'expression particulière. D'ailleurs, il a une vision particulière, singulière du théâtre. Qu'est-ce que ça représente pour lui, le théâtre? Que dire du Césaire dramaturge? Oui, c'est une très bonne question. On distingue généralement trois moments dans l'œuvre césarienne. Un moment plus poétique avec le cahier, un moment essayiste avec la Révolution française, Toussaint l'ouverture, la Révolution française et le discours sur le colonialisme. Et puis un dernier moment qui sera un moment plus théâtral, dans lequel Aimé Césaire finalement pense la difficulté qu'il y a à fonder des nations post-coloniales. Césaire écrit sur le Congo, il écrit sur Haïti, et c'est vrai qu'on a beaucoup écrit, beaucoup parlé de sa pièce sur le roi Christophe, qui est donc chef d'État du royaume du Nord d'Haïti entre 1811 et 1820. Pour Césaire, Christophe symbolise finalement toute la difficulté qu'il y a à aller au-delà de l'esclavage et à penser des identités noires qui seraient des identités totalement libérées finalement des affres du colonialisme. Le langage théâtral pour Aimé Césaire est fondamental parce que plus il avance dans sa vie et dans sa carrière, qui est une carrière aussi d'homme politique, plus Aimé Césaire cherche à trouver une voix, une parole qui serait la plus réaliste possible, qui serait la plus proche du réel. Et il semblerait que dans les années 60-70, Aimé Césaire a beaucoup mis l'accent sur le théâtre, oui, parce que le théâtre lui permettait de s'approcher finalement des gens ordinaires. Oui. Vous l'avez dit, on vient de le répéter, c'est un homme de lettres, mais c'est aussi un homme d'action, c'est un homme politique, Aimé Césaire. De fait, quelques années après son retour en Martinique en 1939, il est élu maire de Fort-de-France, la capitale de l'île, député de la Martinique à l'Assemblée nationale française pendant 47 ans, donc il fera la navette, évidemment, toute sa vie. C'est donc l'écrivain, mais aussi le politicien, écoutez, qui répond aux questions de Judith Jasmin lorsqu'elle se rend interviewée en Martinique pour l'émission Carrefour en 1960. Mais encore une fois, je considère qu'il y a un grand mouvement collectif qui est caractérisé par une prise de conscience de plus en plus grande du caractère spécifique des Antilles. Pendant longtemps, nous avons été pris dans un grand mouvement d'assimilation et à l'heure actuelle, on assiste à un grand mouvement de particularisation. Et cependant, puisque vous êtes de la Martinique, vous vous exprimez en français, donc dans la langue, justement, d'une de ces civilisations dont vous essayez de vous échapper. Est-ce que ça n'est pas un peu paradoxal? Eh bien non, ce n'est pas paradoxal parce qu'au fond, il faut avoir assez d'humilité et pour accepter l'histoire telle qu'elle est. Nous ne pouvons pas renier ni nos origines africaines, ni notre appartenance à une sorte de mouvance française, et je considère pour ma part que le français fait partie de mon héritage, exactement comme, si vous voulez, les traditions africaines. Et est-ce que cela veut dire que sur le plan politique, vous suivez une voie parallèle, c'est-à-dire à la fois ce particularisme antillais et cette espèce d'attachement quand même à une forme française? Certainement, je crois que c'est un mouvement absolument parallèle. Il ne s'agit pas pour nous de tomber dans une sorte de séparatisme politique, mais nous considérons que la loi même de la vie c'est l'individualisation, c'est la particularisation, et c'est pour cela que, tout en étant très fermement attaché à la France, à ce qu'elle représente comme civilisation et comme culture, je suis en même temps un des pionniers d'un mouvement de particularisation politique. Alors parlons donc d'Aimé Césaire, l'homme politique, pour terminer cette émission, Jean-Pierre Le Glonec, de sa vision politique. Comment résumer son action, sa vision politique? Mais Aimé Césaire milite dans les années 1940 pour la loi de départementalisation qui transforme ce qu'on appelle les vieilles colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, en départements. C'est une loi qui est très contestée par certains milieux plus indépendantistes en Martinique, mais Aimé Césaire croit d'une certaine manière à un idéal universaliste. On l'entend bien ici dans la dernière interview, hein. Il est à la fois universel et particulariste. Donc il croit finalement à la place de la Martinique dans la République française, mais il croit aussi à la spécificité de la Martinique et des Antilles françaises en général. Aimé Césaire, plus il avance dans sa carrière, plus il devient, dans les années 60, 70, 80, un autonomiste. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire par là, mais d'une certaine manière, hein, il n'est pas donc indépendantiste, mais il milite ou il croit à la possibilité pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, d'avoir une certaine autonomie culturelle, politique, économique par rapport à la France. On a reproché dans les années 80-90 à Césaire finalement ses contradictions, et on entend bien ici ses contradictions, hein. Il est à la fois très attaché à la langue du maître et à la fois la France, et à la fois attaché à l'importance de trouver une langue distincte. Franz Fanon, hein, son ancien élève du lycée Schœlcher, lui reproche un petit peu son assimilationnisme. Les chantres de la créolité, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Jean Bernabé proposent d'aller au-delà de la négritude. Alors sur le plan politique, je dirais qu'Aimé Césaire, pour résumer, joue un rôle très important, mais c'est un rôle qui n'est pas sans contradiction. Et dans le contexte actuel, on termine avec ça, Jean-Pierre Le Glonec, où le situer, comment mesurer son héritage? Ben, j'ai envie de dire que c'est un héritage qui est encore aujourd'hui controversé. Aimé Césaire est un homme adulé, enfin un homme vénéré. Il reçoit des funérailles nationales, hein, au printemps 2008, donc signe que la République accepte son héritage. Et en même temps, la République a un peu de difficulté avec certaines de ses œuvres, puisque, un exemple, en 1995, le discours sur le colonialisme et le cahier sont au programme du baccalauréat. Et très vite, finalement, ces deux œuvres sont retirées du programme en raison de plaintes de députés conservateurs qui estiment que Aimé Césaire va trop loin dans son discours sur le colonialisme en comparant le nazisme et le colonialisme. Alors vous voyez donc que l'œuvre d'Aimé Césaire est une œuvre qui dérange encore aujourd'hui, bien qu'elle appelle de manière très claire à l'universel. Jean-Pierre Le Glonec, professeur d'histoire à l'Université de Sherbrooke, spécialiste de l'histoire des Noirs dans les Amériques. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.